à Dieu, à qui on va dire merci. Atalakou, atalakou. Ama, ama, ama. Danse réservée à tous les enfants de Dieu. Prenez position. Tu demandes à Dieu, est-ce que tu peux faire bisous? Après ça, il faut bloquer. Bloquer sur le côté. Ça donne ça. Allez, Dieu. On dirait j'ai oublié de vous dire qui a arrangé le morceau. C'est moi-même. Lingobi, DJ Small, Lagnalance, Maxwell Cornet. Tu demandes à Dieu, est-ce que tu peux faire bisous? Après ça, il faut bloquer. Bloquer sur le côté. Paul Pogba. Allez, Dieu, bisous. Bloquer sur le côté côté. Bisous. Bloquer sur le côté côté. Bisous. Bloquer sur le côté côté. Bisous. Bloquer. Président MBC. Attention.